Donc, on va continuer notre étude de ce merveilleux livre. Pendant que je faisais l'étude cette semaine de ce chapitre-là, chapitre 4, on va voir tout le chapitre ce matin ensemble. On va voir que l'apôtre Jean est invité ce matin à monter au ciel. Quel privilège! Connaissez-vous un autre homme dans la Bible qui est monté au ciel aussi? Oui, Élie. Es-tu revenu? Non. Moi, je pense à un autre qui est allé et qui est revenu. Oups, je n'ai pas compris, là. Jésus? Oui, mais ce n'est pas celui-là que je pensais. un autre. Apôtre Paul, il dit, j'étais ravi au septième ciel. Il est monté au ciel puis il est revenu. Et il a dit que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Le mot qu'il emploie, c'est ineffable. J'ai entendu des choses formidables. Et j'incite, va être ravi au ciel, et il va revenir sur la terre, quand il va finir d'écrire le livre d'Apocalypse, il va vivre sur la terre encore une secousse. Et personnellement, je suis convaincu qu'il n'a jamais été le même homme après ça. Après qu'il ait vu tout ce qu'il avait vu dans le ciel, par la grâce de Dieu, il n'a jamais été le même homme. Les gens qui vivent autour de nous et nous-mêmes, on veut connaître l'avenir. On veut savoir l'avenir. Et c'est pas quelque chose de nouveau. C'est de tous les temps, aussi loin que le monde est monde, les hommes et les femmes ont toujours voulu connaître l'avenir. On va lire quelques versets ensemble, si vous voulez bien, de l'Ancien Testament. N'importe qui veut lire, on va lire chacun un verset, puis fort. Moi, je vais les dire parce que ceux qui écoutent les cassettes vont avoir au moins le verset pour les voir dans leur Bible. 2 Chroniques 33, verset 6. Donc, il faisait toutes sortes de choses pour prédire l'avenir, pour savoir qu'est-ce qui arriverait dans leur vie, en entour d'eux autres. Jérémie 27, 9. Donc, il y avait des gens qui étaient des songeurs, des astrologues, des magiciens. Daniel 2, 27. Daniel répondit en présence du roi qui dit, ce que le roi demande est ce que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir. Vous vous souvenez, il y avait eu un songe qui prédisait l'avenir. Il voulait savoir, il voulait dire, ce que tu demandes là, ils ne peuvent pas le faire vraiment. Isaïe 47, 13. Et Isaïe 44, 25. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que les gens veulent savoir l'avenir. C'est de tous les temps. Fait que cette semaine, ce que j'ai fait pendant ça, j'ai tourné sur mon ordinateur, puis j'ai allé sur le site web www, qui veut dire World Wide Web. C'est-à-dire sur toute la terre entière. Et j'ai marqué des mots. Astrologie. Et j'ai trouvé sur l'astrologie, il y avait 4 millions de sites web. Juste en astrologie. Sur les tirages de cartes, les boules de cristal, des centaines de milliers. Ça, moi, j'étais juste en français, là. Ça n'a pas sorti en chinois ou en japonais, ces affaires-là. Ensuite, ça, j'ai mis le mot médium. Des millions de sites de gens qui consultent des médiums. J'ai marqué table de Ouija. des millions de places qui avaient ça. J'ai marqué une ligne de la main, 755 000 sites en français qui parlent des lignes de la main. Les gens veulent se connaître l'avenir? Hein? Ils veulent la savoir, l'avenir. Hein? Il y a des gens qui font des milliards d'argent basés sur ce fait-là. Les gens veulent savoir l'avenir. La plupart du temps, ils ne veulent pas savoir ton avenir, ils veulent savoir leur avenir. Oui, surtout, surtout. Si tu as trop de mauvaises nouvelles, ils ne viendront pas te voir souvent. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous autres qui l'ont déjà fait. Hein. Moi, je n'ai jamais été voir une tireuse de cartes. Je me souviens d'avoir, quand j'étais plus jeune, à plusieurs reprises, d'avoir lu mon horoscope dans le journal. Hein, on ouvrait le journal, puis on voyait ça. Puis, ce soit pour n'importe quelle raison, là, on lisait ça pour voir ce que ça disait. Probablement, chacun d'entre nous, une fois dans notre vie, à quelque part, on a peut-être lu ou écouté quelqu'un à la télévision ou à la radio ou lu dans un journal, quelque chose pour savoir notre avenir. Une de mes tantes, une fois aussi, elle m'avait lu des lignes de la main. Elle disait qu'elle avait ce pouvoir-là. C'est pas là que je ne me souviens plus de ce qu'elle a dit. Je ne me souviens plus. La question que je me suis posée cette semaine, c'est pourquoi les gens veulent savoir leur avenir? Pourquoi ils veulent tant la savoir? Qu'est-ce qui les intéresse tant? Pourquoi ils veulent l'avoir à l'avenir? Y a-t-il qui l'ont déjà fait, aller voir des tireuses de cartes ou n'importe qui comme ça? Et si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, est-ce que vous voulez partager pourquoi est-ce que vous y alliez? Vous voulez savoir votre avenir, mais pourquoi vous voulez savoir cet avenir? Marcel? Pour faire tirer la... Pour faire, ouais, oh boy! On a une tireuse, là. OK. Mais pourquoi tu voulais faire ça? Parce que c'est une mode. C'est une mode? Non. Le bien c'est la curiosité. OK. Une fois cherché. Pourquoi est-ce que les hommes, les grands hommes de Dieu, les grands hommes de dirigeants des pays, interrogent les médiums, les tireuses de cartes, et ils se font faire leur carte astrale, qu'ils appellent. Pourquoi ils font ça, vous pensez, ces grands hommes-là? Ils veulent savoir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour prendre des bonnes décisions. Des décisions qui vont être avantageuses pour eux, pour leur pays. Prochaines élections. D'autres vont aller voir les tireuses. J'ai connu un homme, quand je jouais à la bourse à Toronto, il allait voir des tireuses de cartes pour savoir où investir. Puis c'était pas vraiment le nom de la compagnie, mais c'était un bon temps pour lui d'investir. Les esprits, les as, étaient-ils favorables à ce qu'il investisse de l'argent? En tout cas, il a perdu. Puis moi, je ne savais pas que j'avais gagné. Hein? Oui. Oui. Tu sais pas que ce sera pas. Oui. Oui. C'est ça, oui. Ah bon? Bon. Puis, ça tu es? Absolument. T'es menteuse. Il y en a qui vont faire des cartes du ciel. J'en connais une parce que c'est ma soeur. C'est pour ça que dernièrement, il y a une sœur qui m'a dit, ça me semble qu'il y a des choses qui disent qui arrivent. Ils questionnent, est-ce que tu dois répondre? Ils prennent ça, puis... Moi, j'ai demandé à une femme qui tirait la ligne de main, que j'ai témoigné pendant plusieurs années, à Val d'Or, elle tirait pas les lignes de main, elle tirait aux cartes. Et j'ai demandé, j'ai dit, parce qu'à un moment donné, elle faisait un cours avec moi, avec sa fille, j'ai demandé, honnêtement, ça pouvait me dire si vraiment elle connaissait l'avenir, à travers ses cartes. Elle dit, ben voyons, là. Elle dit, je suis pas Dieu, moi, non. Ben, mais, elle dit, pourquoi tu fais ça de bord? Elle dit, c'est payant. Puis comment vous faites pour dire ça aux gens, des choses qui semblent des fois arriver? Elle dit, à travers les années, on s'habitue à étudier les gens. La façon qu'ils marchent, la façon qu'ils parlent, la façon qu'ils s'habillent. On dévoile des choses. Et juste par la façon qu'ils nous regardent, on vient habituer. Il y a des gens qui vont dire ton caractère juste en regardant ta physionomie. Et ils découvrent ça, puis ils vont dire des choses générales. Ils diront des choses, tu vas te marier le 7 de mai. Ah, il y a de l'amour bientôt dans ta vie. Ça veut dire quoi, ça? C'est très large comme aspect. Mais la question est, c'est que la plupart des gens veulent soit éviter les difficultés, ça rend la vie plus facile, ils veulent se sécuriser. Une des choses que les gens voient, c'est qu'ils veulent se sécuriser. Ils sont insécures face à leur avenir, et ils veulent se sécuriser. Ils veulent se faire dire que les choses ne sont pas si mauvaises que ça dans l'avenir. Peu importe les raisons, les gens y vont parce qu'ils veulent savoir des choses. Et la Bible nous dit, les versets qu'on a eu tout à l'heure, la Bible nous dit qu'il est impossible aux hommes de savoir. Peu importe ce que les gens disent, peu importe comment est-ce qu'il y a de pourcentage de vrai ou de faux, la Bible nous dit que c'est pas vrai. Le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure, Dieu a dit, « Je vais démontrer qu'ils sont insensés. » Il va démontrer qu'ils sont insensés. Quand nous voulons savoir l'avenir, c'est pas mal de vouloir savoir l'avenir. Ce qui est mal, c'est d'aller à la mauvaise personne. Dieu a reproché à son peuple dans l'Ancien Testament des centaines de fois qui sont allés vers des astrologues, vers des devins, vers des magiciens ou des médiums, ou peu importe quoi. Il dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me voir, moi? Veux-tu me le dire? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me voir, moi? C'est ça qu'il approche Dieu. Il n'approche pas à l'homme de vouloir savoir l'avenir. Il approche à l'homme d'aller vers quelqu'un d'autre que lui. Donc, dans Acte 4, Apocalypse 4, excusez-moi. Apocalypse 4, verset 1, nous allons voir que Jean est invité à monter au ciel pour connaître l'avenir. Lisons ensemble, chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Dans la suite de quoi? Dans la suite des temps, hein? Dans ce qui s'en vient. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de yeux devant et derrière. Le premier, être vivant, semblable à un lion. Le second, être vivant, est semblable à un veau. Le troisième, être vivant, à la face d'un homme. Et le quatrième, être vivant, est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont 6 ailes chacun. Ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. » Quand les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui est au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta parole et ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, c'est une vision assez spéciale, n'est-ce pas? Je vous encourage, quand vous lisez l'Apocalypse, que vous voyez une apparition semblable, de ne pas essayer de décortiquer les détails. Essayez de fermer vos yeux et de voir quelle impression vous auriez, vous, devant l'apparition. C'est comment fermer vos yeux et dire, qu'est-ce que je vois là? Comment est-ce que je pourrais, si vous aviez la capacité de dessiner, vous dire, comment est-ce que je peux illustrer ça? Puis dire, quelle impression j'ai quand je vois cette apparition-là de Dieu? C'est ça qu'il faut faire, je crois. Et non pas essayer de dire chaque petit détail, qu'est-ce que ça veut dire. Si vous partez dans cette direction-là, vous allez écrire des lignes sur chaque bout de phrase et ça va devenir très complexe à expliquer. Qu'est-ce que je vois? Et quel est le but? Moi, je crois que vous devez voir l'image qu'on vient de lire avec l'idée que l'ange avait en emmenant Jean dans le ciel. Il l'amène au ciel, pourquoi? Il ouvre une porte dans le ciel, puis il dit quoi? Viens ici, je vais faire quoi? Je vais te montrer ce qui va arriver dans l'avenir, dans la suite des temps. À partir de l'an 100 après Jésus, aller jusqu'à la fin des temps. Je vais te montrer qu'est-ce qui s'en vient. Donc, selon moi, ma compréhension la plus logique, c'est qu'il va lui faire apparaître quelque chose qui va l'emmener à aller dans cette direction-là. Il va lui faire voir quelque chose qui va l'emmener à aller vers l'avenir, à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Il va lui montrer l'avenir. Et je crois que la photo ou l'image ou l'apparition de cela est en train de donner à l'être, à Jean, que l'avenir de la terre se décide au ciel. L'avenir de la terre se décide au ciel. C'est pas la terre qui dirige le ciel. C'est le ciel qui dirige la terre. La terre dans tout son ensemble, mais la terre aussi pour chacune de nos vies à nous. C'est le ciel qui décide de ça. Et toutes les images qu'on va voir ici dans ce passage-là, j'ai l'impression que j'ai, quand je regarde cette image-là, ça me donne l'impression, il y en a un qui sait l'avenir, c'est lui que je vois là. C'est celui-là qui sait l'avenir. Et mec qui parle, je m'en vais et écoutez. Moi, je crois que l'impression que Jean, sans qu'il entende un mot, juste à voir il était convaincu que la personne assise sur le trône connaissait l'avenir. Et je crois que c'est ça que le passage veut nous convaincre ce matin. Il veut nous convaincre que celui qui est assis sur le trône connaît l'avenir du monde et notre avenir individuel à chacun de nous aussi en même temps. C'est dur pour nous, mes frères et sœurs. On le dit, c'est facile à dire avec notre bouche. « Ah, Dieu contrôle toute ma vie! » C'est quand on la vit que c'est une autre histoire. C'est quand ça arrive que c'est une autre histoire. On rencontre des milliers de personnes. « Ouais, mais Dieu! Ah, mais c'est Dieu! Ah, mais c'est Dieu! » Puis on n'est pas satisfait de ce qui nous arrive. On n'est pas content de ce qui nous arrive. On voudrait que ça change. Puis une des raisons, je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on veut connaître l'avenir, c'est pas essayer de la préparer que ça soit agréable et beau. Il l'a révélé au point, pas de difficulté. On ne veut pas connaître l'avenir que Dieu a pour nous. On veut connaître un avenir agréable. Mais si on veut connaître l'avenir, vraiment connaître votre avenir et connaître notre avenir en tant que peuple de Dieu, il faut se tourner vers le ciel. C'est pour ça qu'il dit, monte ici. Monte ici. Viens sur, dans le ciel. Le monde, pour connaître l'avenir, il va vers le monde. Hein? Les gens qui vont venir, ils vont trouver le bar et ils vont aller. Je me souviens qu'une année, on travaillait dans un kiosque évangélique, dans un terrain d'exposition. Il y avait une autre tente un peu plus loin qui avait une tireuse de cartes, une tireuse d'avenir, une boule de cristal, toute cette tente-là. Il y avait bien plus de monde dans leur kiosque que dans le nôtre. Mais pourtant, nous autres, on marquait, au-dessus, c'était marqué, au-dessus de notre kiosque, la lumière du monde! Plein, parce que, tu sais, dans les expositions, c'est toujours plein de petits globes, hein? On avait mis des petits globes tout autour. La lumière du monde! Pas beaucoup d'intéressés dans notre affaire. Mais en même temps, il y avait des fils, au bout de temps. Le monde, pour connaître l'avenir, il va vers le monde. Nous, en tant que peuple de Dieu, quand on veut connaître l'avenir, il faut monter au ciel. Il faut monter au ciel. La terre ne peut pas révéler l'avenir du monde. Personne sur la terre. Nostradamus comme les autres. Personne. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que... Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, quand un homme veut savoir ce que Dieu pensait de quelque chose, où est-ce qu'elle est? Il n'est pas loin des devins, mais c'est contre la volonté de Dieu. Et avoir un prophète, oui, il y a d'abord un prophète, mais le prophète, habituellement, n'avait pas cette tâche-là attitrée par Dieu de façon... Samuel, il jouait le rôle de, à ce moment-là, de sacrificateur. C'était le grand sacrificateur qui avait ce rôle-là, à part du temps. Il y avait devant lui un pectoral avec 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, une couleur par pierre. Et en arrière de ça, il y avait deux petites choses qu'il mettait dedans. Deux petites troches. Une blanche puis une noire. On appelle ça l'urim et le tumim. L'urim et le tumim. C'est ça là. Puis tu allais voir le sacrificateur, et quand tu veux savoir ce que Dieu voulait, que tu ne savais pas, et tu veux savoir la volonté de Dieu, tu le demandais au sacrificateur. Puis là, il jouait en arrière du pectoral, puis là, il sortait la roche qui sortait, c'était oui ou non. Mettons, noir, c'était non, puis blanc, c'était oui. Il sortait ça, il disait, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. C'est tout. Dans certains autres, Dieu veut. C'est comme ça. Et c'est Dieu qui avait dit ça. Si tu veux savoir ce que je pense, va voir le grand prêtre, il va te dire ce que je pense. Donc, si tu veux savoir la volonté de Dieu dans cette semaine, tu allais vers le prêtre. Les pasteurs n'ont pas cette capacité-là. Fait que n'est pas me voir. J'ai pas de roche blanche dans mes poches. J'ai même pas une scène le matin. N'est pas me voir. N'est pas me voir. J'ai pas ce pouvoir-là. Une coupe. Je crois que plusieurs hommes de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont utilisé, Daniel était le chef des magiciens, des mages. Daniel était le chef des mages. Lui aussi avait une coupe pour tirer l'avenir. Mais les autres, ils s'adressaient à Dieu. Les autres ne s'adressaient pas à Dieu. Ils s'adressaient à toutes sortes de bébites. D'autres dieux, des nuages, comme je disais tout à l'heure, des serpents, ils tuaient des vaches, puis ils sortaient le foie, puis ils gardaient le foie, puis il y avait toutes sortes de façons de faire les choses. Mais Daniel et Joseph et d'autres, certains autres hommes de Dieu, se sont tournés vers Dieu pour connaître l'avenir. Puis c'est là qu'on voit que, tout à l'heure qu'on a vu dans Daniel, quand il y a eu la grande statue, Daniel n'a pas été voir sa coupe. Il s'est mis à venir prier, Dieu, révèle-nous, je suis avec toi, tu peux le savoir. Dis-nous, qu'est-ce qu'il a rêvé, puis dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire. Et Dieu est venu, puis il a dit à Daniel. Daniel l'a révélé au roi, qu'est-ce qu'il a eu comme vision. Donc, ce n'était pas des gens qui allaient vers d'autres dieux, mais vers Dieu. Mais ils ont pris des méthodes qu'ils connaissaient, des méthodes humaines qui étaient là dans ce temps-là. Je crois que la méthode n'est pas grave. Ça, c'est pas grave de vouloir savoir l'avenir. C'est à qui est-ce que tu vas le demander? C'est grave. À qui tu vas le demander? Puis remarquez bien, quand c'était dans le temps des apôtres, ils ont demandé à qui une fois? Ils ont demandé à Jésus. Il était là dans le temple et ils ont dit, qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? Quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que le Fils de Dieu va venir? Quand Jésus nous monte au ciel à un moment donné, hein? C'est-tu aujourd'hui que tu vas rétablir Jérusalem? Ce n'est pas besoin de savoir ces choses-là. Mais il allait à Jésus. À quelques reprises, Jésus leur a dit l'avenir. Dans certains passages du Nouveau Testament, dans Matthieu 24, 25, il a parlé de l'avenir du monde. Il a parlé de l'avenir du peuple d'Israël. Il a parlé de l'avenir du peuple de Dieu. Mais une chose qu'il faut bien remarquer, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on ne voit jamais, ou presque jamais, des hommes et des femmes aller demander à Dieu leur avenir personnel. Qu'est-ce qu'elle demandait à Dieu l'avenir? C'était toujours pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver avec ton peuple? Il ne demandait pas à Dieu quelle sorte de maison je vais acheter, quelle femme je vais épouser. Il ne demandait pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toi, Dieu? Il voulait connaître le plan de Dieu pour son peuple. Dieu ne révèle pas aux hommes et aux femmes leur avenir personnel dans la Bible. Dieu révèle pour le peuple de Dieu. Dieu a toujours le but de révéler l'ensemble de ce qui va arriver au peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on a le livre de l'Apocalypse qui ne nous révèle pas notre avenir individuel, mais notre avenir en tant que peuple de Dieu. Ce qui devient individuel aussi pour nous, mais c'est pour le peuple de Dieu. Nous, quand on veut connaître l'avenir en tant que peuple de Dieu, puis notre avenir en tant que chrétien, il faut aller vers la Bible, et surtout vers le livre de l'Apocalypse qui nous révèle qu'est-ce qui va nous arriver en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'Église. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous révéler notre avenir? Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Pourquoi il n'a plus la peine d'écrire le livre d'Apocalypse pour nous révéler qu'est-ce qui arriverait à son peuple? Pour pas qu'on se décourage, ou pour nous encourager quand on est découragé, hein? Pourquoi aussi, il y a d'autres raisons, vous pouvez voir pourquoi Dieu veut nous révéler ça, pourquoi il a pris la peine de l'écrire. OK, pour les autres aussi qui sont dans le futur, qui vont connaître aussi leur avenir à travers ça, oui. Donc, on veut savoir, et Dieu a le but de nous, soit de nous encourager, soit de nous exhorter. Parce que, rappelez-vous bien, les sept églises qu'on a étudiées depuis 2 mois, c'est eux autres qui ont reçu l'Apocalypse. Et Dieu voulait les encourager, les exhorter, et même les emmener à la repentance. Aux 6 églises sur 7, il a dit « Repends-toi, repends-toi, repends-toi, repends-toi. » Il veut l'emmener à la repentance. Il veut emmener l'église de Philadelphie, qui l'a pas appelé à la repentance, à continuer à marcher. Il veut encourager son peuple à garder la foi, malgré la persécution, malgré les difficultés, malgré la mort, malgré peu importe ce qui va arriver. Parce que vous savez, connaître l'avenir, ça peut être très démoralisant ou ça peut être très encourageant. Très encourageant. Dieu va dire à son peuple ici, si tu fais cela et que tu ne te repens pas, voici ce qui va t'arriver. Mais si tu gardes la foi, voici ce qui va t'arriver. Fait qu'il va donner les deux côtés. Il va donner pendant à partir du chapitre 5, parce que le chapitre 4 va juste nous parler de la personne qui va dire l'avenir, puis à partir du chapitre 5 jusqu'à la fin, il va dire, voici ce qui va arriver à ceux qui ne se repentent pas, et voici ce qui va arriver à ceux qui gardent la foi, ou qui vont se repentir. Donc, quand Jean arrive dans le ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il monte, mais qu'est-ce qu'il voit en premier? Il voit un trône. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais dans l'Apocalypse, il y a 22 chapitres, et combien de fois le mot trône revient? Ça, je l'ai dit après les premiers sermons que j'ai fait. Quasiment 50 fois. Hein? Quasiment 50 fois le mot trône revient. Quand vous pensez à trône, à quoi vous pensez? Quand vous pensez à trône, ben là, si vous avez une image, si on vous présenterait une image là, ou un tableau, puis il y a quelqu'un assis sur un gros trône, à quoi vous pensez? Un roi? Ça vous amène quel sentiment, ça? C'est lui qui mène, c'est lui qui dirige, c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui est le plus important, hein? Parce que le trône est habituellement Il n'est pas dans des marches en descendant, il est dans des marches en montant. Et quand tu arrives à une place, puis un trône, tu vas voir, en premier, qu'est-ce qui va te frapper dans la face? C'est le trône. Ça veut dire que c'est lui qui est le plus important. C'est lui qui a les prestiges, celui qu'il faut garder. Il dit que je monte au ciel, je vais rentrer par la porte que l'ange a ouvert, et j'ai vu un trône. Il n'a pas regardé aux côtés s'il y avait des anges, ou si sa fille était là, ou si sa mère était là. Il a regardé le trône. Je vous ai dit, il y avait un chant, maintenant, qu'un homme chante, puis qu'il arrive au ciel, puis les chrétiens viennent le rejoindre, puis il dit, viens, garde les belles vues, en pierre précieuse, garde l'or sur le chemin. Il dit, je veux rien savoir, je veux voir Jésus, emmenez-moi voir Jésus. Toute la chanson, c'est ce qu'il dit. Il va lui présenter toutes les belles choses du ciel, mais lui, il répète tout le temps, je veux voir Jésus, emmenez-moi voir Jésus. C'est une autre chose. Ça n'a pas d'importance, à moi et vous autres. Parce que si Jésus n'est pas là, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, moi je vais vous dire un secret, moi je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Si Jésus n'est pas là, je ne veux pas y aller. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit ça à quelqu'un dernièrement. Jésus n'est pas là, ça ne m'intéresse pas de passer l'éternité avec toi. Ça ne m'intéresse pas. Je veux passer l'éternité avec Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Donc il dit, je suis arrivé dans le ciel et j'ai vu un trône. Et là, il décrit le trône, hein, du jaspe, de la sardoine. C'est quelle couleur, ça? Le jaspe, la sardoine, nous qui connaissons les couleurs de naissance, moi je ne connais rien dedans, mais... J'ai regardé, en tout cas, le jaspe, la sardoine, c'est rouge sang. Rouge couleur de sang. Il y avait des tonnerres, des éclairs, puis il y avait une belle grosse arc-en-ciel tout le tour du trône. Puis en avant du trône, c'est quoi? Il y avait une mer de verre. En avant. Imaginez-vous ça, un beau gros trône, il y a quelqu'un d'assis dessus, il y a une belle grosse arc-en-ciel, là, il y a des éclairs, des tonnerres, c'est comme de la vitre à terre, ça reflète tout ça. C'est toutes des couleurs spéciales, hein, l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Et là, il y a à l'entour du trône, et quand il y a des éclairs, des tonnerres dans la Bible, dans l'Apocalypse surtout, c'est toujours parce que Dieu va parler. Les tonnerres, les éclairs, c'est Dieu parle. Et j'ai entendu une voix de tonnerre, et j'ai entendu comme un bruit de grandes eaux. Ça veut dire que Dieu va parler. Il dit autour du trône, qu'est-ce qu'il y a? 24 trônes. Et des gens assis dessus. Et là, tout le monde s'estime de savoir c'est qui ça, ces 24-là. Il y a des livres écrits, ben ça dépend de même là-dessus. C'est qui ça, ces trônes, ces êtres-là? Mais une chose est certaine. C'est que les 24 vieillards qui sont là, ils regardent tous vers le trône. Il y a un cercle, ils sont tout autour du trône, puis ils regardent tous vers le trône. C'est pas important de savoir qui sont les 24 vieillards. Pas vraiment important. Mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce que les autres font face à la personne qui est assise sur le trône. Et la Bible nous dit que ces 24 vieillards-là, à un moment donné, se lèvent, hein, ils se regardent vers le trône et ils tirent leur couronne. Et demandent quoi quand tu fais ça? Quand tu tires ta couronne devant le roi qui est assis sur le trône, ça veut dire quoi? C'est lui. C'est lui le dirigeant, c'est lui le chef, c'est lui le contrôleur, c'est lui qui est le maître ici. Puis là, il dit qu'au milieu du trône, dans le trône, dans l'entour du trône, c'est dur à comprendre ce qu'il dit, mais il y a 4 êtres vivants qui sont là. 4 êtres spéciaux. Plein de yeux. Hein? Des yeux en dehors, des yeux en dedans, et puis ça tourne cette affaire-là, puis ça, vous allez voir dans Daniel, la même vision, c'est des roues pleines d'yeux, puis ça tourne sur toutes les bords, ça se déplace sur toutes les bords. Mais en tout cas, moi, quand je vois une bébite pleine d'yeux, ça veut dire qu'il voit tout. Il voit partout, il voit tout. Puis tous ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils crient? Saint, Saint, Saint. Ils s'adressent à la personne qui est assise sur le trône. Et qu'est-ce qu'ils disent, cette personne-là? La Bible nous dit que c'est ça, on avait le temps de tout regarder, les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, ces bêtes-là, là, cette tête de veau, tête de lion, tête de bœuf, tête de personne? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a 4 choses qu'ils font dans toutes les vies de l'Apocalypse. Ils font toujours la même chose. Ils sont toujours autour du trône en train d'adorer et de crier à Dieu des louanges. Ils sont toujours en train de présenter la prière des saints, où ils apportent des messages de la part de Dieu, où ils accomplissent les jugements de Dieu. Mais sont au service de Dieu. Ces 24 verres-là, ces quatre êtres spéciaux sont en train de servir Dieu et accomplissent le plan de Dieu. Donc, s'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui a fait l'avenir. C'est Dieu qui a déterminé l'avenir du peuple de Dieu ou de toute la terre entière. Tout ce passage-là sur le trône, cette vision-là, est en train de dire à Jean, il y en a un quand qui connaît l'avenir, c'est celui qui est assis là et écoute bien ce qu'il va te dire. Ou bien non, ce que nous, on va te dire de sa part. Il y a un verset qui me rassure toujours quand je lis dans cet testament, dans les psaumes, un verset qui dit, « Lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Et lors de la fin du monde, l'Éternel sera assis sur son trône aussi. » L'Éternel ne perd pas les pédales, jamais. L'Éternel sait l'avenir. C'est lui qui avait organisé le déluge. C'est lui qui avait organisé Sodome et Gomorre. Et la plus grande catastrophe humaine qui est arrivée sur cette terre, c'est la mort de Jésus, et c'est lui qui l'avait organisé aussi. Il l'avait prédit des millénaires avant, et il l'a organisé, il l'a orchestré. Quand Pierre se lève devant les Juifs, il dit, « Misérable que vous êtes, vous avez fait mourir le Juste, vous avez crucifié le Messie. Mais en faisant cela, vous avez accompli la volonté de Dieu. » Mon ami, c'est bon. L'homme, dans sa folie la plus furieuse, il tue son propre Dieu, tue son messager, tue son Messie, tue son sauveur. Mais Dieu, Jésus, pas Jésus, mais Dieu dit, en faisant votre folie, vous avez accompli la volonté de Dieu. Ça vous dit que j'avais bien fait. Et tu repentez-vous? Moi, ça me console. Vous savez pourquoi ça me console? Parce que j'en fais des stupides conneries aussi. J'en fais des conneries en masse. Mais Dieu peut se servir de mes conneries pour faire ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire que c'est bien ce que je fais. Non, non, non. Mais Dieu peut utiliser même le mal pour en tirer du bien. On a tué Jésus. C'est un mal. En tant que race humaine, on a tué Jésus. C'est un mal. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a sauvé le monde. Il s'est réveillé de bord, il a sauvé le monde avec le plus grand péché que le monde a fait. Pas le péché qui nous a sauvés. Mais c'est Jésus qui nous a sauvés. Mais le fait de faire mourir, ça nous a sauvés. Verset 8 et 9, il dit, « Monte vers celui qui est assis sur le trône, cet être majestueux, cet être formidable, qui est là, adoré, loué, où ce que les anges, ce que les vieillards adorent, crient des choses fantastiques. » Il dit, monte. Puis là, comment est-ce qu'il nomme au verset 8 et 9? Qu'est-ce qu'il dit au verset 8 et 9? Il dit, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand vous voyez ça, qui était, qui est et qui vient, ça parle de du commencement à la fin. Il dit, viens écouter, viens entendre celui qui est là de toute éternité. Celui qui était là avant que toute chose commence et qui va être là quand toute chose va être disparue. Viens écouter, si tu veux connaître l'avenir, si tu veux savoir ce qui va arriver au peuple de Dieu, viens parler ou viens entendre celui qui est là de toute éternité. Les tueuses de bonne aventure, ou peu importe lesquels vous allez voir, il est sur la terre pour une petite période de temps. Hein? 50 ans, 60 ans, 80 ans. Je sais quoi ça dans l'éternité. C'est bien mieux de l'écouter celui qui connaît, qui était là avant que ça commence, puis qui va être là quand ça va finir. Lui, il connaît tout l'avenir. Il connaît tout le passé. Il connaît tout ce qui se passe. C'est bien le bon gars pour aller voir. C'est bien l'homme le plus sage, ou la personne la plus sage, qu'on peut aller parler, ou écouter parler quand il va nous dire qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Viens écouter celui qui est là de toute éternité. Et celui-là, c'est celui qui est assis sur le trône. Puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, viens voir celui qui a créé le monde, celui qui a tout fait. C'est celui qui l'a créé, ce foutu monde-là dans lequel on est. Mais quand je dis foutu monde, là, c'est depuis que l'homme a péché. Avant ça, c'était un bon monde. La Bible dit, quand Dieu a fini de créer le monde, il dit, et tout était bon. L'homme a mis sa main là-dedans, puis tout est devenu méchant. Ça n'a pas pris de temps, hein? Même un être, un homme et une femme parfaits. Ça n'a pas pris de temps, hein? Ils ont fait du monde un dépotoir. Ils ont fait du monde du paradis terrestre, comme on l'appelle souvent. Ils ont pris ça, et Dieu les dit, tu peux m'aimer, tu peux rester avec moi, tu peux me servir les têtes pendant longtemps, mais il ne faut pas que tu touches table là. Ça, je ne sais pas comment jour ça a pris. Ça n'a pas pris de temps. Ils ont tout défait. Où est-ce que la lumière régnait? Ils ont fait un monde de ténèbres avec. Il dit, viens voir celui qui a créé le monde, celui qui t'a créé toi, celui qui a créé l'Église, celui qui a créé toutes choses en toi. Viens voir celui-là. La Bible nous dit dans Genèse 1 que c'est Dieu qui a créé le monde. La Bible nous dit aussi dans les livres des prophètes que Dieu a créé l'avenir. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, allez lire Isaïe chapitre 40 jusqu'à la fin du chapitre, à peu près les derniers 20 chapitres d'Isaïe. Dieu va répéter des dizaines de fois, je suis celui qui a déterminé l'avenir. Personne d'autre n'a déterminé l'avenir. C'est moi qui ai déterminé l'avenir. C'est moi qui dis les choses qui vont arriver. Personne d'autre peut le faire. Il répète ça à son peuple des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, afin que son foutu peuple d'Israël arrête d'aller voir les magiciens, les astrologues, les faux prophètes, les faux dieux. Il dit, pourquoi vous allez voir les gens qui n'ont pas de contrôle, c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai créé l'avenir, c'est moi qui ai planifié l'avenir du monde, et pourquoi vous ne venez pas me voir? C'est frustrant, hein? Comment vous penseriez de ça, vous autres? C'est vous autres qui avez tout fait ça, puis les gens se servir de bord pour en avoir d'autres. C'est insultant pour Dieu. C'est insultant pour Dieu. C'est frustrant pour Dieu. Son monde qu'il a créé, ces gens que lui a fait, se tournent le dos contre lui, puis vont en avoir d'autres, puis disent, ce que toi tu nous dis se passe à l'avenir, on ne veut pas le savoir. Parce que ton avenir n'est pas drôle, me semble. Il y a un verset qui dit ceci, dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. » Écoutez bien ces deux petits mots-là. Pour lui. Oh, que c'est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ça. Dieu n'a rien fait pour nous. Rien fait pour nous. Même le salut, c'est pas pour nous. D'où Dieu a tout créé, il a tout fait, juste pour une raison, pour lui. Donc, il n'a pas rien fait pour nous. Nous, on est là pour lui. Hein? Parce qu'on fait partie des choses qu'il a créées. Donc, tout a été créé par lui, on a été créé par lui, mais aussi pour lui. C'est important de comprendre ça, que c'est Dieu qui a tout créé. Pas juste créé les arbres, il a créé les êtres humains. Il n'a pas juste créé l'être humain, il a créé aussi le monde de l'être humain, la vie que l'être humain va faire. Il l'a planifié, organisé, orchestré. Je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, Dieu n'a jamais laissé l'avenir du monde dans les mains des êtres humains. Jamais. L'être humain est bien trop limité pour ça. Surtout l'être humain pécheur, comme on est. On n'est pas capable. C'est bien mieux que ce soit dans ses mains que dans les nôtres. Je vous garantis. Il dit, Jean, monte au ciel. Viens voir au ciel. C'est dans le ciel que tu vas découvrir ce qui va arriver pour ta vie, parce que tu fais partie du peuple de Dieu. Et quand il arrive au ciel, il voit un trône majestueux, des éclairs, des tonnerres. Il voit ça, il c'est plein Dieu, et c'est plein de monde alentour qui adore cet être-là spécial. Cet être-là qui vit de toute éternité. Cet être-là qui a créé le monde, créé ta personne, ma personne, il t'a créé une deuxième fois en tant qu'enfant de Dieu. Il a créé aussi ton avenir, déterminer qu'est-ce qui va t'arriver. Je vous encourage à faire ça une fois. Une fois, j'étais assis à mon bureau, j'ai pris une feuille sur laquelle j'ai marqué ce que je décide. J'ai pris une autre feuille, ce que Dieu a décidé pour moi. Là, j'ai commencé à écrire. Sur laquelle vous pensez, j'ai mis plus de choses. C'est la deuxième. Ce que Dieu avait décidé pour moi, tu y payes, qu'il y en avait non. Mais sur l'autre, je me suis aperçu que je ne décidais pas grand-chose. Faites-les. Faites-les, ouais, c'est encourageant. C'est encourageant de se tourner vers Dieu parce qu'il y a tellement de choses qu'on pense contrôler que finalement on se rend compte qu'on ne contrôle pas, pas en tout. C'est mieux ainsi parce qu'on est loin de comprendre et connaître et d'être sage et intelligent comme Dieu l'est. Donc, à partir du chapitre 5, cet être-là qui est assis sur le trône va commander, orchestrer, parler aux vieillards, parler aux quatre êtres vivants, parler aux anges qui sont autour de lui par millions. Il va tout parler à ce monde-là pour dire qu'est-ce qui va arriver et aussi démontrer que c'est le ciel va contrôler l'avenir de la terre. C'est le ciel et tous les anges qui sont là avec Dieu, qui vont être des commissaires de Dieu, des envoyés de Dieu, qui vont contrôler l'avenir des choses qui vont arriver. Autant ce qui va être très négatif, des jugements de Dieu qui vont détruire des gens par millions, comme des bénédictions de Dieu qui vont aussi être des gens par millions qui vont être bénis par Dieu. Mais c'est le ciel qui contrôle la terre. Que le Seigneur puisse nous aider avec cela, nous stimuler à se tourner vers Dieu pour connaître notre avenir. Et quand on va connaître notre avenir à la fin du chapitre 22, on devrait en connaître un peu plus. J'espère qu'on en connaît un peu plus sur l'avenir de notre vie en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, puis dire, je vais persévérer, peu importe ce qui arrive, je vais persévérer. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu nous as montré dans ce chapitre qui tu es. Pendant quelques instants de silence, Seigneur, pendant que nos yeux sont fermés, aide-nous à contempler cette vision que tu as fait avoir à Jean. Ce trône, ce personnage qui est assis là. Toute l'adoration qu'on lui donne, toute la vénération, toutes les louanges qu'on lui donne. Tout ce qu'on lui crie, Saint, Saint, Saint. Toi qui vis de toute éternité. Nous t'adorons, nous t'aimons. C'est à toi, Seigneur, que nous demandons de nous dire l'avenir de notre vie en tant que tes enfants. Qu'est-ce qui va arriver à tes enfants? Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne sont pas tes enfants? Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. OK, on va terminer avec un chant, si vous voulez bien. Et j'ai choisi un chant qui dit en son temps. En son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'étais supposé partir un moment donné. Qui ça? La tisseuse de bonheur. Ok, ok. Salut. Salut. Ton nom encore? Daniel. Daniel Tremblay. Daniel Tremblay, ok. Ça fait longtemps que j'essaie de... Ah ouais? Ça fait longtemps que tu es ici dans le coin? Oui, ça fait un mois. Ah, ok. Parce que moi, j'ai reçu un email, il va prendre une semaine ou deux. Ouais. De quelqu'un de Saint-Sauveur, je pense. Ouais, c'est Pierre.